cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir. Qa'idat al-rabi'a. La quatrième règle concernant les noms d'Allah Azza wa Jalla et ses attributs. وهي قوله رحمه الله ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذا الحمد لله تقدم معنا كثيرا, فمن يلخص qui sait qui résume l'explication de القاعدة بكلام مختصر من يستطيع تفضل. النصوص يعني تؤخذ على ظاهرها, الظاهر قد يكون له ظاهر الكلام, قد يكون ظاهر الكلمة قد يكون له معنى في السياق ومعنى آخر في سياق آخر, ويعني ما يتبادر منها إلى الذهن يعني ما يفهم بحسب السياق. نعم, حسب السياق والإضافة, هذا مهم. السياق المثال كلا سيتي بالقرية, فسا ديبون لو كونتكست. إلا سيتي دو فيرسي سي كلير, ان فيرسي هو المراد بالقرية, القرية سي الفيلاج, المراد سي ce qui est voulu, le sens voulu سي les habitants, سي pas le village lui-même mais les habitants du village. Et un autre verset سي le sens voulu سي le village et les habitations, les maisons, les routes, إلى آخر. فهذا والإضافة, وهذا المهم, أن إن كلمة إذا أضيفت إلى مثلا آدمي أن إتخما فتكون بخضاع معنى, وإذا أضيفت نفس الكلمة إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أن تكون بخضاع با que cette chose, cet attribut c'est comme celui de l'être humain. أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأضاف عز وجل إلى نفسه السمع والبصر أنه سميع وبصير, ومع هذا قال ليس كمثله شيء. أنا pas comprendre السمع والبصر de l'être humain ou d'une autre créature, لا, لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء, rien ne lui ressemble. Donc هذا سنمنطق أن السمع والبصر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أن الله voit et il entend, لكن pas comme les créatures. Allah سبحانه وتعالى voit tout, il entend tout. عز وجل. هذه القاعدة مهمة. قوله وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. انقسم الناس في ماذا؟ ثم إلى ستة أقسام مهمة. On a lu les deux premiers قسمes. فعندما يعني الأول وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام, انقسموا في ماذا؟ في الظاهر المتبادر في النصوص الصفات. أحسنت. انقسم, وإذا انقسم الناس فيه أي في ظواهر النصوص. Les gens, ils se sont divisés par rapport à ce ظاهر. الظاهر c'est quoi? C'est le nas comme il est en langue arabe. ينزل ربنا عز وجل. Ça c'est un nos, وظاهره c'est le nuzul. فانقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. On a lu les deux premiers. Le premier قسم أهل السنة والجماعة الذين أبقوا دلالتها على ذلك, على الظاهر, et الحمد لله لا يمثلون ولا يكيفون, et ils comprennent le معنى avec la langue arabe. فالنزول c'est un nuzul حقيقي, الله descend vraiment, لكن comment Allahu a'lam. Ça c'est le premier groupe et c'est toutes les règles qu'on a étudiées ensemble. Wallahi alhamd. Le deuxième groupe, man hum? Tafaddal. نعم. أولى أحسن. من جعلوا ظاهر هذه النصوص التمثيل عياذا بالله. Ils ont compris من الظاهر التمثيل, ils ont accepté هذا الظاهر فقالوا أن صفات الله عز وجل تشبه أو تمثل صفات المخلوقين, وهؤلاء عيدا بالله ظلالهم إلى واضح أي ceux qui font ressembler les attributs d'Allah عز وجل à la créature. ثم on arrive au troisième قسم. قال رحمه الله القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. أولا تقدم معنا كثيرا أن التعبير بالتمثيل سأولى. وفي هذا الموضع dans le شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله à ce, dans ce point là quand il a cité التشبيه هنا علق بقوله قال ينبغي أن نضع بدل التشبيه التمثيل. Ça fait partie des endroits dans ce livre où Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah il a rectifié wa qal dans l'explication il vaut mieux mettre à la place du mot tashbih at-tamthil wa taqaddam ma'ana limala li'anna Allah azza wa jalla qala laysa kamithlihi shay fa Allah subhanahu wa ta'ala abara bit-tamthil fi al-Qur'an al-ahsan c'est de rester dans le lafd qui cité fi al-Qur'an ay nafi at-tamthil wa Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tawassa'a في بيان pourquoi le mot تمثيل il est plus adapté parce qu'il est cité dans le Coran et كذلك il a cité des différences avec le تشبيه et on les citera pas ici c'est dans d'autres livres. على كل حال tu retiens أن التعبير بالتمثيل c'est أولى. Et les savants qui ont cité le تشبيه في الحقيقة لا شك أنهم ils ont voulu بهذا معنى التمثيل. Et ça se ressemble. Bel wa'adhum yutliq al-tashbih al-tamthil. Lakin, l'ahsan, et pour fermer toutes les portes, le mieux c'est de citer al-tamthil. Shay'un akhar, anna hadha al-mabda, ay, annahum ja'alu al-ma'na al-mutabadir min nusus al-sifat, ma'na batilan wa huwa al-tamthil, c'est dhalal. جميع من ضل في هذا الباب سأقوز ده هذا أنهم إذا كنخي من ظواهر النصوص التمثيل فانحرفوا عيدا بالله الممثلة إذا أكسبت هذا الظاهر إذا دي les attributs d'Allah عز وجل c'est comme les attributs des êtres humains فانحرفوا وكفروا بالله عز وجل هؤلاء ce troisième قسم كذلك أي ils ont la même chose أن pour eux quand tu récites قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أو ما يتعلق بالوجه أو الغضب أو الفرح أو الرحمة إلى آخره pour eux tout ça à الظاهر si tu le laisses comme ça في الحقيقة ça va impliquer un معنى باطل عيدا بالله alors que c'est cité في القرآن الكريم. فقال رحمه الله ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. وهذا سكم نسيت كثيرا أن المعطلة avant de faire du تعطيل ils ont fait ماذا عندما التمثيل. فشكل معطل في الحقيقة إلى مثل la première étape بل شكل مبطل في هذا الباب إلى مثل المفوضة والممثلة والمعطلة tous ils ont fait du tamthil ثم انحرفوا انحرفوا plusieurs fois. Les seuls qui se sont écartés du tamthil c'est أهل السنة الحقيقة ils ont appliqué le Coran الكريم la parole d'Allah عز وجل ليس كمثله الشيء فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير فنثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير فله سمع وبصر. Et on dit en même temps, non, il ressemble pas au créateur. Il n'y a aucune contradiction. Et qu'est-ce qui empêche cela, fil haqiqa? Illa al-hawa. Anna ha'ula iyadam billah ubdulu. Ils ont été éprouvés et ils se sont égarés, iyadam billah. Qala, thumma innahum min ajli dhalik ankaru ma dallat alayhi min al-ma'na al-la'iqi billah. Wa hum ahlu al-ta'til. Sawa'un kana ta'tiluhum amman fil asma'i wal-sifat. Am khassan fihima. أو في أحدهما هذا أو هذه إشارة إلى أن المعطلة انقسموا أقساما وبعضهم عطل تعطيلا كليا أو عاما وبعضهم عطل تعطيلا خاصا أو جزئيا فسيختار إذن فيجو تعطيل ذنتو عيدا بالله حتى بعضهم أنكر النفي والإثبات. هذا en détaillera pas هنا ces différentes catégories, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il les a cédées via At-Tadmouriya. Et l'imam, Cheikh Mohammed Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, les a résumées via Taqrib, Taqrib al-Tadmouriya. Lakin pour vous montrer l'égarement via Ta'din al-Nabaduhum, Hatta al-Navi wal-Ithbat Ankaru. Tu ne peux pas dire Moujoud ou Ghir Moujoud, Tapallah, Indahum. Hatta hada. Et dire que Allah il est Moujoud là. فعطلوا كل شيء وليس دم لاحدة يسمى أكثر من اليهود والنصارى وبعضهم عطلوا جميع الأسماء والصفات الجهمية لبخميس دي جهمية لكن من الغلاء بل غلاة الغلاء لدوزيام جميل الجهمية كذلك الجهمية يبلز الغلاء أنكروا الأسماء والصفات شو هذه معطلة يزنوا أكسبتي لينو وأنكروا الصفات حتى لينو يزنوا أكسبتي من باب المجاز بغل. أي ce n'est pas des a'lam ou osaf comme on a vu dans notre livre. Pour eux, c'est mujarrad a'lam. As-sami' pour eux, ils disent Allah c'est sami' lakin sifatu as-sam' la yuthbitunaha. C'est mujarrad asma. Mujarrad des lettres athbatuha faqat. Wa illa ismun haqiqi renferme une sifat fama athbatuha. Ha'ulaz al-mu'tazila. Wa ba'dhum, ils ont accepté les noms, ils ont accepté certaines sifat et ils ont rejeté la plupart des sifat. Et hatta les sifat qu'ils ont accepté كثيرا سبع على طريقة أهل السنة وهم الأشاعرة المحرفة وهذا إن شاء الله les détails dans les différents groupes de معطلة ça sera dans التقريب بإذن الله عز وجل فعلى كل حال المعطلة tous les groupes, toutes les factions, toutes les catégories leur choubhat la même أنهم ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a les décevoir tu vas faire ressembler فَعِيَدًا بِاللَّهِ ils ont rejeté. قَالَ فَهَؤُلَا صَرَفُ النُّصُوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَى مَعَانٍ عَيَّنُوهَا بِعُقُولِهِمْ وَاضْطَرَبُوا فِي تَعْيِينِهَا اضْطِرَابًا كَثِيرًا وَسَمَّوا ذَلِكَ تَأْوِيلًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَحْرِيفٌ صحيح. هؤلاء vu que pour eux الظاهر est le texte comme il est en apparence avec la langue arabe, vu que pour eux ça implique du tamthil, qu'Allah y ressemble à la créature, ils se sont sentis forcés d'expliquer. En fait, ils ont déformé. Expliquer c'est ta'wil, déformer c'est tahrif. En fait, ils n'ont pas expliqué. Il y en a le mot, il est clair. Des mains c'est des mains, t'as pas besoin d'expliquer. Sauf que les mains d'Allah azawajal ne ressemblent pas à la créature. Fahum, ils ont déformé bi'uqulihim. لماذا لان ايضا il y a pas de dalil. Tu as le droit d'expliquer le Coran dans certains cas fi bab as-sifat, tu peux pas, lakin dans certains cas tu peux expliquer l'apparence avec un autre dalil et tu as une ma'na. Ça arrive fi al-fiqh, ça arrive dans certaines masail, pas fi bab al-aqida. Ala kulli hal, il faut un dalil, et fi al-aqida il y a pas de dalil, donc tu es obligé de laisser le texte comme il est. Amma haula, vu qu'ils ont pas de texte, مثلا les mains, بعضهم ils ont dit ni'ma. Ni'ma, il est bien fait. بعضهم ils ont dit la force. بعضهم ils ont dit autre chose. Al-qudra, la capacité. وبعضهم ils ont dit لماذا لأن chacun il explique avec la raison. Ça nous montre la gravité de délaisser les textes et de suivre la raison sans revenir au texte. لماذا لأن العقول تختلف. C'est pour ça que certains مثلا ils vont dire ni'ma, d'autres ils vont dire là c'est le qudra. Comment départager entre les deux? On n'a pas départagé. Les deux sont à la batte. Les deux explications elles sont fausses. Ça nous montre l'importance de revenir au texte. Sans revenir au texte. Al-ittirab, c'est un jour tu dis une chose, le lendemain tu te contredis. فَبَعْضُهُمْ اِطْتَرَبُوا فِي نَفْسِ أَقْوَالِهِمْ. Aujourd'hui, ils ont expliqué par ni'ma, le lendemain par al-qudra. ثم نجور par القوة وهكذا اضطراب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. C'est une règle, ya ikhwan, أن celui qui se base sur autre que le Coran ou le Sunna dans مسائل الدين, il se contredira. تناقض واضطراب وانحراف, هذا لابد, لأن هذا الدين خاصة هذه المسائل, مسائل متعلقة بالغيب, c'est des choses de l'invisible, il n'y a pas de place pour la raison. La raison, dans certains cas, des choses que tu as vues, des choses que tu sens, des choses que tu entends, La raison, elle t'aide. Maintenant, la raison, elle nous aide à savoir est-ce que cette chose, elle peut te faire du mal, elle-même là. À l'odeur, ou le goût, ou maintenant une chose de brûlante, la raison, elle-même. La raison, tu sais, est-ce que cette chose, elle va te brûler, elle-même là. Il y en a, c'est des choses que tu vois, tu entends, tu sens. Il n'y a pas de place pour la raison. La raison, elle suit les textes. C'est pour ça que ceux qui avaient la raison la plus saine, c'était As-Sahaba radiallahu anhu. Après les prophètes alayhim salatu wassalam. Et leur raison, elle a suivi les textes. Amma haoula, ils ont délaissé les textes. Fattarabu, wa tanaqadu, ils se sont contredits. Iyadam billah, wa anharafu. قال وسموا ذلك تأويلا وهذا كذلك تستفيد منه أن لا تغتر بالمسميات أهل الباطل لما ينحرفون فكثيرا يزنبلس يزينون انحرافهم avec des مسميات ضخمة ألقاب فهم ils ont pas dit التحريف لماذا لأن التحريف c'est مذموم عند الجميع التحريف c'est négatif en arabe التأويل c'est pas négatif. At-ta'wil, ça peut être bihaq, ça peut être bi-batil. At-ta'wil, pour mieux comprendre, ça ressemble au mot tafsir. Fat-tafsir, ça peut être un tafsir tayyib, mais ça peut être un tafsir mauvais. Une explication. Amma at-tahrif, là, tahrif, c'est déformé. Dans tous les cas, c'est mauvais. Falihada, sammu dhalik ta'wilan. Fantabih. Attention. Le batil, fihim khida' wa makr. C'est pour ça que les ulama, ils interdisent de se rapprocher de Ha'oula, de les écouter. Non, c'est des menteurs. Yulubbissoun. Et ahyanan, ils disent certaines vérités, lakin pour mieux, iyadam billah, faire passer leur égarement. Qal wa huwa fil haqiqati tahrifun. On montre l'importance de revenir à Ahlul Ilm. Lianna hadha at-ta'wila ou hadha al-musamma qui en apparence c'est haq. Comment savoir la haqiqa? Nous, on n'a pas le niveau dans beaucoup de choses. Mais les ulama, ils ont démontré « wa huwa fil haqiqati tahrifun ». En revenant à Ahlul Ilm, tu sauras est-ce que cette prétention elle est sahiha ou la. Et Ahlul Batil, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de leur ulum, on n'a pas besoin de leur explication. Le peu de haqq qu'ils ont, tu le trouveras inda a'immatis sunnah wa lillahi alhamd. Qalu wa madhhabuhum batil min wujuh. Wa hadhihi ar-rudud qui va citer en plusieurs fois, fa muhimma. Tu en auras besoin pour toutes les interprétations fausses de Al-Muharrifa fi Bab al-Sifat. Que ce soit fil wajh, que ce soit fil yadayn, que ce soit fil ghadab, que ce soit fil dhahik, que ce soit fil rahma. Toutes les sifat. Toutes les sifat qui sont déformées, tu auras hadhihi ar-rudud. Et certaines sifat, tu auras des rudud en plus. Kama taqaddam ma'ana fi muqaddimat sharh al-lum'a, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il avait lakhas hadhihi al-masa'il. Avec un kalam jamil et très simple. Et on a, il est un peu plus détaillé. Oh, alhamdulillah. Qala wa madhhabuhum batil min wujuh. Ay madhhab al-muharrifa. Al-Asha'ira, c'est ceux qui les ont suivis. Qala ahaduha. Anahu jinayatun ala nusus. Haythu ja'aluha dallatan ala ma'nan batilin. Ghayri la'iqin billah. Wala muradillah. Na'am, jinayatun ala nusus. Hadhi nusus. المسلم يجب أن يحترم التكست. الله سبحانه وتعالى يقول هذا القرآن قرآنا عربيا واضحا كلام كلير سامب فأنت يجب أن يحترم. هذا الاحترام هو كيف تجب أن يحترم التكست؟ en croyant, en appliquant autant que tu peux et en s'écartant de هذا. عيادا بالله déformer le معنى. فجناية pourquoi c'est une جناية? جناية c'est un crime, c'est quelque chose de mauvais. على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إلى الصفات صفات كمال ونعوت الجلال هم ils ont déformé هذا avec des معاني باطلة. الله سبحانه وتعالى il a informé أنه إلى au-dessus de sa créature, هم ils ont dit là Allah il est partout. أو tu dis pas qu'Allah il est au-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara annahu ila dima azza wa jal. Et les mains, là, chaque c'est un attribut parfait. Hum, ils ont dit là. Allah, il n'a pas de main. En fait, ça veut dire la force. Wa hakada. Iyadam billah. Fa al-haqiqa, ce point, il est très très grave. Lakin al-qawm, ils ont des choubahs. Wa illa fa wa'adha aqwalihim, c'est très très grave. Qala, ala ma'nan batilin ghayri la'iqin billah wa la muradillah. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, fi al-sharh. dans son charh, il a fait une précision هنا قوله معنى باطل. Avant de lire, on peut répondre, on peut trouver c'est quoi le معنى الباطل. أنه جناية أي leur مذهب التحريف على النصوص حيث جعلوها دالة أي النصوص على معنى باطل غير لائق بالله. C'est quoi le معنى الباطل هنا؟ أحسنت التمثيل على معنى باطل أي التمثيل. هنا ne comprend pas معنى باطل أن هنا chaque صفة ils vont la déformer avec une chose. مثلا الاستواء استولى لما القدرة. هذا c'est venu après التمثيل. لكن la première étape الجناية qu'ils ont fait au départ أنهم جعلوها دالة على معنى باطل. Ils ont fait du تمثيل. C'est un معنى باطل. C'est pour ça que c'est grave. Les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont compris que c'est comme les mains des créatures. Thumma hadha, hadhihi al-jinaya. Cet égarement, il les a poussés à d'autres choses. Et pour s'écarter de cette chose mauvaise, at-tamthil, iyadan billah, ils se sont égarés dans d'autres bois. Ils ont rejeté. Au lieu d'accepter les sifat et s'écarter du tamthil, ils ont rejeté le tamthil et ils ont rejeté as-sifat. Hadha, c'est le premier point. قال شيخ العثيمين وليس كلام والمعنى الباطل هو التشبيه ففعلوا أو فجعلوا هذه الدلالة أولية. Et ça c'est important de comprendre هذا. أن leur première دلالة au départ qu'est-ce qu'ils ont fait التمثيل. قال ثم لما ظنوا هذا حرفوه إلى معنى يليق بالله عز وجل على زعمهم. ثم quand ils ont compris من ظاهر المعنى التمثيل مثلا Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Pour eux, ils ont compris comme les mains des créatures. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sentis forcés d'expliquer les mains pour s'écarter du tamthil et pour trouver la ma'na juste à la za'mihim. Ma'na yaliqu billah. D'après eux. Wa illa fa al-ma'na alladhi yaliqu billah, c'est qu'Allah, il a des vraies mains, pas comme celles des créatures. Hadha al-kalam, il est muhim. Raji' sharh Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité une note à ce point du livre. قال الوجه الثاني deuxième point أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضي هذا اللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. هذا تقدم معنا كثيرا ستلي غيقل بخسنان أنهم يزون ديفورمي ظاهر الكلام أنه صرف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عن ظاهره. على وقت القرآن الله سبحانه وتعالى لا غيبنا ولا قعب. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé avec une langue arabe claire. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui comprenait le mieux le Coran. A'lamu an-nas 'azza wa jalla bil Coran, c'était le prophète alayhi salatu wa sallam. Enfin, pourquoi on n'a aucune preuve qui montre qu'il faut expliquer comme ils disent. Ce n'est pas des vrais mains, on doit dire les mains c'est la force. Ayna ad-dalil fi hadha? Il n'y a aucune preuve. Hadha, c'est le deuxième point. Et hadha taqaddam. Le premier point et le deuxième point, on les a déjà vus ensemble kathiran. وهنا إلى نبه رحمة الله عليه أن vu que nous en tant que أهل السنة on a une croyance أن les textes ils restent comme ils sont لكن on fait attention à deux choses التكييف والتمثيل وهذا والله الحمد on l'a expliqué en détail dans une règle. قال الوجه الثالث troisième point أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. وهذا كذلك تقدم معنا أن le fait d'interpréter ces textes avec les passions, avec la raison, فالحقيقه c'est parler sur Allah sans ilm. Wa illa sayati ma'ana un kalam jamil de Cheikh Ma'uzaymin pour montrer annahum ils sont à la batil fi hada. Qui c'est qui les a informés? Pourquoi les générations avant al-Asha'ira, les premières générations à l'époque du prophète alayhi salam et les imams qui sont venus après, les Mahada, ils n'ont pas fait ces explications? D'où ça vient? Enfin, ça nous montre que c'est un kalam Allah bida'in. Le din, walillahi alhamd, il était complet avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, la révélation s'arrêtait avant sa mort, le din il était kamel. Et là, chacun a le point le plus important dans le din, c'est le premier pilier de l'iman, l'iman billah. Wa min al-iman billah, l'iman bi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi azza wa jalla. فالقوم كأنه يديزن الناس تبقى كومبليت بل l'apparence c'était faux, c'était du bâtil, et eux ils sont venus des siècles après pour nous montrer, nous expliquer cette erreur. عيادا بالله فلا شك ان هذا سنقول على الله بلا علم. Cheikh Ibn Uthaymeen là c'était deux points pour montrer ان يتكلمون على الله بلا علم avec leurs fausses interprétations. قال الاول انه زعم انه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. تعالى بخمي بوين يتخسن أن الله عز وجل قال بل يده إلى وجه يغضب إلى الله رحمة إلى أنطن إفوى إلى آخره هم يديز لا en fait ça veut dire كذا. فهذا سواضح كي بعل على الله بلا علم لأن الله سبحانه وتعالى سالعليم سالخبير. فالله سبحانه وتعالى لو voulu dire les sens que Hawla ils ont expliqué, les auraient dit Azza wa Jal. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit des mains, un visage, des yeux, ou hakada. Enfin, celui qui dit autre que hada fi haqqillah, yatakallam, il parle sur Allah sans ilm. الثاني انه زعم ان المراد به كذا لمعنى اخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. نعم. Et le deuxième, en haqqa, c'est un ajout, انه il va citer une chose qui n'est pas citée dans les textes. Il va dire c'est pas des mains, alors qu'Allah il a dit c'est des mains. Seulement il va dire en fait c'est kada. Il va rajouter une chose qui n'est pas citée dans les textes. Fa'iyadam billah, c'est un égarement par rapport à ces deux points. Qala idha kana min al-ma'loum anna ta'yina ahadi al-ma'nayin al-mutasawiyin fi l'ihtimal qawlun bila ilm fama dhannuka bi ta'yin al-ma'na al-marjouh al-mukhalif li zahir al-kalam. صحيح. أحيانا quand tu as le choix entre deux choses, un kalam rajih, un kalam marjouh. Kalam rajih c'est ce qui est juste, et le marjouh c'est ce qui n'est pas juste. Si tu délaisses ce qui est juste pour ne prendre ce qui n'est pas juste, tu n'as pas le droit. S'il y a un délit, tu n'as pas le droit. فَمَا بَالُكُ هُنَا يَبَدْ رَاجِحُ وَمَرْجُوح. C'est حَقْ وَبَاطِل. فهم ils ont délaissé le حَقْ et ils inventent des choses. لا شك أن هذا c'est un kalam على الله بلا علم. مثال ذلك فاستا ان اكزامبل او الى سيت ان اكزامبل دون سون ليفر رحمه الله pour clarifier. قال مثال ذلك قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فاذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وانما اراد كذا وكذا قلنا له. Tout ce qu'il a cité auparavant, l'un, rahmatullah alayhi, ces règles importantes, ces points importants, il les a appliqués sur ce verset, rahimahullah. Qawluhu azza wa jal, ma mana'aka, ayya iblis, an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ayy li adam. Wa huna Allah subhanahu wa ta'ala qal biyadayya. Ça montre qu'Allah il a deux mains. Yadayya en arabe c'est sirat al-musanna. La dualité ça montre deux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qal iblis, pourquoi tu refuses de te prosterner à ce que j'ai créé avec mes deux mains. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. Fa idha surifa al-kalam an dhahiri. Ay, si wahad il accepte pas al-dhahir. Al-dhahir c'est quoi? C'est qu'Allah il a deux mains. Bi yadayya. Wa qala lam yurid bil yadayn al yadayn al haqiqiyatayn. Wa innama arada kada wa kada. Si wahad il dit là, al-ash'ira mathalan huna, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est pas deux mains. C'est pas deux vraies mains là. Ils vont dire, en fait, les deux mains, ça veut dire telle chose. La force, la puissance, les bienfaits, il est akhri. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, qulna lah, on lui répond. ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ ما دليلك على ما نفيت؟ C'est quoi ton دليل؟ Qu'Allah il a pas de main. Alors que Allah سبحانه وتعالى قال il a des mains. C'est quoi ton دليل؟ On a des preuves qui montrent Allah il a des mains. Ouais, il dit Allah il a pas des vraies mains. On lui dit c'est quoi ton دليل؟ Tu verras qu'il aura pas de دليل. La seule chose qui va répondre, c'est quoi? Indaman. Ceux qui ont des réponses, levez les mains. Hatta je vois que c'est qui suit. Tfaddal. Naam. Fa. Ça, c'est ta réponse à toi. Lakin hum, ils vont dire quoi? Un tas, tu vas lui répondre après les 5 000 Lakin hum, il va dire quoi? Là, hum, il va dire, naam. Il va dire, là, si tu dis qu'Allah il a des vraies mains, tu le fais ressembler à la créature. Donc, ouais, il va dire, un âge, je dis que ce n'est pas des vraies mains, les mains d'Allah, et un Allah, les sakamit les hijjay. On lui répond, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, qal, wa huwa sami' ou basir. Allah, il a dit que c'est sami' et c'est basir, et en même temps, juste avant, il a dit, les sakamit les hijjay. C'est David bin Adam, on dit qu'Allah, il voit et il entend, c'est sami' et c'est basir, et il ne ressemble pas aux créatures. Enfin, Allah, il a des mains, il ne ressemble pas aux créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie, l'être humain, il a une vie, et la vie d'Allah, elle ne ressemble pas à la vie de la créature. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Qala, wa ma daliluka ala ma athbat. C'est quoi l'a dit athbat? Ala ma athbat. Tadal. La, ma indahu, c'est du nafi. Ma athbat, c'est quoi le dalil? C'est quoi l'ithbat qu'il a fait? هذا المحرف يد الله كيد المخلوق لا il a pas fait ce yad, c'est pas un mushabbih, c'est pas un mumathil. هو il dit pas que yad Allah c'est comme le makhluk. Là هو il dit si tu dis kada ça implique kada, donc il le dit pas, il va faire autre chose. هو t'as compris? تفضل. ما اثبت, c'est quoi comme ithbat qu'il a fait? قوله وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. C'est quoi l'ithbat qui va faire? هو القوة النعمة القدرة. C'est ça l'ithbat qui va faire. هو فالآن on répète قوله رحمه الله ما دليلك على ما نفيت. La première question, c'est quoi ton délire qu'Allah il n'a pas de main? Il n'aura pas de délire. La seule chose qu'il va dire, il va dire si tu dis qu'Allah il a des mains, ça veut dire ressemble à la créature, tu lui réponds les sakamit les hichay, et il ne pourra plus répondre. Thumma tu lui dis c'est quoi ton délit? Anna les mains c'est le qudra. Léana il a fait du ithbat. Al-Ash'ari c'est pas un mu'attil comme le Jahmiya. Le Jahmiya il dit quoi? Allah il a pas de main. Nafi mahm. C'est pour ça que les ulama kaffarouhum. Amma ha'oula ils disent n'am les mains lakin c'est pas des vraies mains. Thumma ils font un ithbat. Ils disent les mains en fait c'est le qudra. Donc yuthbit le qudra. Nahnu lui dit ma dalilouk anna les mains c'est le qudra. Ma dalilouk, ça vient d'où? Pourquoi Allah il a dit main? Pourquoi il a pas dit qudra? T'es obligé de nous citer une explication. Si tu n'as pas de dalil, c'est que huna les mains c'est des vraies mains, c'est pas le qudra. Qala rahimahullah, et il y a des autres rudud qu'on détaillera pas huna. On peut citer mathalan an Allah azza wa jalla qala bi yadayya, et al qudra c'est al qudra al kamila. Al qudra tu peux pas la citer en dualité. Allah il a deux forces, ou il est capable de, il a deux capacités. Là, il est capable de tout. Donc expliquer les deux mains par la force ou par la ni'ma, Allah il a deux ni'ma. Bal yadahu mabsutatan ou lima khalaqtu bi yadayya. Si tu expliques les deux mains mot à mot avec ni'ma, ça veut dire qu'Allah il a deux ni'ma. La wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont tu peux pas les compter. Allah ça nous montre que leur kalam il est batil. Qala fa in ata bi dalil ou fa in ata bi dalil wa anna lahu dhalik. S'il emmène un dalil, Thomas Ibn Uthaymin l'a fait une précision, d'où il va emmener ce dalil? C'est impossible. L'aqidat al-muslimin, elle est claire depuis l'époque du prophète Aïssa. Il ne peut pas emmener un dalil que les sahaba n'ont pas connu ou que le rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré. N'a'oudou billah. Qala wa illa kana qailan ala Allah bila ilm fi nafihi wa ithbati. Ça nous montre après tout cela, vu qu'ils n'ont pas de dalil, ça nous montre quoi? Ça nous montre que ha'oula yatakallamoun ala Allah bila ilm. La muqaddima qu'ils ont fait, la première étape, on répète, ils ont pensé que ça ressemblait à la créature. C'est fondé sur l'ignorance, c'est pas du ilm. Pourquoi les Allah azza wa jalla nous a montré un verset clair, laysa kamithlihi shay'. Donc, hada, c'est pas valable. ثم la deuxième muqaddima, ou plutôt après la muqaddima, le tahrif qu'ils ont fait, expliquer maintenant l'imma par la force, par les bienfaits, c'est un qawl à Allah bil ilm, il n'y a aucun délit. Toutes les explications qu'ils ont données, les ulama, ils les ont réfutées. Comment ça y est, inshallah ma'ana dans les dolos. Vous avez remarqué que dans ce livre, Cheikh Ibn Uthaymeen, il ne répond pas sifa par sifa. Hada, inshallah, ça viendra dans Al-Wasitiyya, Al-Ulama, Yaruddun, Al-Ahl al-Bida' fi hada al-bab, et dans d'autres livres. Amahuna, l'essentiel, c'est d'avoir des règles. C'est pour ça que commencer par ce livre, c'est muhim. Avant de détailler l'aqidah, il y en a, si tu as ces règles, tu n'as plus qu'à utiliser ces règles avec l'attribut du visage, l'attribut des mains, l'attribut de Nuzul, l'attribut de Al-Istiwa, l'attribut de Al-Ghadab, Allah il se met en colère, l'attribut de Rahma, et à chaque sifa, tu auras ces règles, c'est toujours la même règle, sans tu auras des choses spécifiques par rapport à chaque sifa. Maintenant, les mains, parmi les réfutations spécifiques, un Allah Azzawajal, il a cité les mains, Sirat Muzanna, dualité, et deux mains. Si tu expliques la force, les deux mains par la force, ça veut dire qu'Allah il a deux mains, ça veut dire qu'il a deux forces. Et là, c'est pas sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-qawi, al-quwwatuhu, il est capable de tout, azza wa jal. Wa hakada la yu'jizuhu shay, subhana. Va bien comprendre le livre. Le livre, le but, c'est d'avoir des règles, des points de base. Amma, les détails, on ne va pas s'attarder à répondre pourquoi ils ont expliqué ou pourquoi ils ont déformé les mains par telle chose. Sauf si Cheikh Ibn Uthaymeen, il cite des choses qu'on lit ensemble. قال الوجه الرابع, quatrième point, في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها وهذا تقدم معنا كثيرا. الكاتريم وجه أن صرف النصوص عن ظاهرها, le fait d'expliquer ces textes avec un sens qui n'est pas dans ظاهر النص. مثلاً, Allah il a dit des mains, ils expliquent par la force. Fahada, c'était pas la voie du prophète Aïssa. Tu ne trouveras jamais un dalil. Ni les salafs, ni les sahaba radiallahu anhu, ni les imams de la communauté. Ça montre donc qu'ils ont contredit haoula. Fi dinina, il faut bien comprendre une chose, an al-haq, il était à l'époque du prophète Aïssa. Ça veut dire quoi, Hada? Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un haq après la période du prophète sallam qui n'était pas à l'époque du prophète Aïssa, c'est pas possible. On parle dans le din. Khassatan bab al-asma wa sifat wa al-aqida. Le Coran il est clair, sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam est clair. Celui qui prétend annahu matalan il a expliqué ce verset et on trouve pas l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des salafs, ya'lam annahu il a emmené un égarement. Hada, c'est une règle dans notre din. Limadha li'anna al-umma la tajtami' ala inhiraf wa la dalal. La umma elle peut pas se personne sait maintenant ce ilm. Maintenant, l'explication des mains par les bienfaits, aucun salaf ne savait. Le prophète Aïssa sallam, il ne l'a pas montré. Na'oudou billah. Ça, c'est de l'égarement. Là, ça serait haq. Tu aurais un délit. Tu aurais des paroles, des explications des compagnons. Hada mourad, Cheikh Ibn Uthaymeen, fi al-wajh al-rabi'. Qala al-wajh al-khamis. An yuqal lil-mu'attil. Et suivez ce cinquième point, il est muhim. Mais tous les autres points, fil haqiqa, on en a déjà parlé dans ce livre. Enfin, ce cinquième point, il va détailler qalilan pour réfuter haoula. قال هل انت اعلم فيقال ان يقال او ان يقال للمعطل هل انت اعلم بالله من نفسه فسيقول لا. مثل هذه الحوارات هذه المناظرات تستفيد منها علما كثيرا. لكن ça veut pas dire ان الانسان va et débat avec اهل البدع والضلال min ash-sha'ira ou min ghayrihim, que ce soit directement ou sur internet ou sur les réseaux. Hada la yajouz, les salaf ils l'ont interdit, sauf pour une catégorie de personnes ahlul ilm, quand il y a une haja pour montrer un haq, comme il a fait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme il a fait l'imam al-Albani rahimahullah, et kathir min al-ulama. Amma nahnu, on apprend hada pour comprendre et pour conseiller et pour réfuter. Amma débattre avec eux, tu as appris certaines choses et tu veux débattre, fahdhar. Ils ont des choubahs kathira. Et nous n'est pas prêt à débattre. On a un manque de ilm, on a un manque de beaucoup de choses. Fal insan quand il étudie mithla hada fal yastafid et il propage ma stafada et alhamdoulillah, il continue à faire des efforts. Pas pas comprendre mithla hada, nal insan il va et pose ses questions. Wa yujadil wa yunadhir comme ils font al-ba'd. Là, hada c'est un bab char. C'est un bab char khassatan fi hada al-bab. Wa alam anna haula al-munharifin la yarji'un illa an yasha Allah. قليل منهم من يرجع الا ان يشاء الله فالانسان il ne s'expose pas au risque pour débattre avec un tel لا هؤلاء يبل حق كتب شيخ الاسلام موجوده كتب شيخ ابن عثيمين موجوده كتب السلف موجوده فسي لا بابري de هؤلاء انت سي veut débattre avec toi c'est que pour te mettre une شبهه فاحذر فقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه فسيقول لا وهذا لا شك فيه سيدي نعم فلا شك أنه سنكافر بالله Est-ce que أنت أعلم بالله من نفسه يقول لا Est-ce que tu connais Allah mieux que lui-même عز وجل يقول لا ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق فسيقول نعم ثم on lui dit Est-ce que les textes Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé il a dit ma visage l'akhiré am c'est du haq hada il dira forcément n'am l'yanna c'est fait le Coran ou fi sunnat nabi alayhi sallallahu alayhi thumma yuqalu lah hal ta'lam kalaman afsah wa abyan min kalam illahi ta'ala fasayakulu lah thumma on lui dit est-ce que tu connais un kalam qui est afsah al-fasaha c'est l'éloquence kalam Allah subhanahu wa ta'ala kalam bil-arabiyya كلام فصيح وكلام إلى واضح البيان إلى آخره فلا شك أنه يفجر لا يبقى كلام أفصح من كلام الله عز وجل لماذا؟ لأن القرآن سلا بارد الله سبحانه وتعالى ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم فسيقول لا حقيقة هذه الأسئلة Elles sont jamila et celui qui veut le haq, après ces questions, normalement, il doit accepter le haq. Et avec ce qu'il y a, tu trouves Abdullal, كثير منهم ne reviennent pas. وإلا فتأملوا هذا السؤال هل تظن Est-ce que tu crois أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق Est-ce que tu penses que Allah سبحانه وتعالى avec ses versets Il a voulu nous compliquer les choses, Azza wa Jal, hatta on fasse des efforts pour trouver le sens de ces sifat. Ayyadan billah. Abadan. Hada, c'est grave. Si quelqu'un pense à hada, la chèque c'est grave. Fali hada, c'est yakoulou la. Al-muharif, il dira la. Hada, ma yuqalou la bi'atibar ma ja'a fil Qur'an. Ça, c'est par rapport à ce qui est venu dans le Qur'an, min al-sifat. Qal amma bi'atibar ma ja'a fil sunnah, fa yuqalou la. هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا أي celui qui connaît le mieux Allah سبحانه وتعالى من العباد الرسول عليه الصلاة والسلام فهم جاءه ولا Est-ce que tu connais Allah سبحانه وتعالى mieux que الرسول عليه الصلاة والسلام يجيغ لا ثم يقال هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق أي Est-ce que les informations que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a transmises dans les hadiths dans sa sunnah Est-ce que c'est حق فإيجيغ نعم لا بد si c'est un croyant il est obligé de dire oui ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا est-ce que une personne tu peux trouver une personne qui est plus éloquente que le prophète عليه الصلاة والسلام فلا النبي صلى الله عليه وسلم c'était la personne la plus éloquente quand il nous a informé أن الله ينزل أن الله يسمع en colère أن الله يضحك يغي أن الله il a de la miséricorde il a آخره فسا كلام فصيح Celui qui prétend que ce n'est pas les ma'anif, ça va impliquer qu'annahu il connaît mieux que le prophète alayhi salatu wasalam. Allez, hada, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité ces questions. Fayuqalu lah, idha kunta tuqir bidhalik. Ça, c'est la conclusion. Et c'est un kalam mouvid. Fayuqalu lah, idha kunta tuqir bidhalik. Et si tu acceptes tout ce qu'on vient de dire, anna al-Qur'an, il est en langue arabe claire, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé avec des textes. Et tu admets que c'est la vérité. Le prophète Aïssa al-Salam, c'est la personne qui connaissait le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es d'accord avec nous sur tout cela, فَلِمَاذَا لَا يَكُونُ عِنْدَكَ الْإِقْدَامُ وَالشَّجَعَ فِي إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ Pourquoi? Si c'est haq, tu admets que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a'lam. Tu admets que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu nous compliquer les choses. Iyadan billah, tu admets tout cela. Pourquoi tu n'acceptes pas? Si c'est que du khir, limada tu n'acceptes pas? Il est où le problème? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم التوفيق في يد الله صحيح si tu admets tout cela, لماذا tu acceptes pas les صفات et si tu acceptes cela, لماذا tu oses déformer, citer des choses ni Allah subhanahu wa ta'ala ni son messager alayhi salatu wasalam ils ont cité. قال الشيخ ابن عثيمين وما يضيرك اذا اثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه في كتابه او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به فاخذت بما جاء في الكتاب والسنه اثباتا ونفيا ماذا يضيرك ça ressemble à ماذا يضرك qu'est-ce que tu vas perdre quel mal va te toucher si tu acceptes les sifat qui sont cités dans le Coran, qui sont cités dans le Sunna, tu acceptes al-ma'na et tu les laisses à al-zahir et tu dis laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Et tu dis al-kayfiyya Allahu a'lam. Et tu dis Allah subhanahu wa ta'ala adhaf fa sifat ila nafsihi fa al-ma'na il est la'iq billah. Et ça implique pas la ressemblance. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Haqiqa ils auraient accepté, ou là on n'aurait pas tous ces rudoud. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala lahu hikmatun baligha. وإلا فصحاء ولكن كومبليكي لي شوز وإلا العقيدة لي تري تري سامبل قال أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين إذا سين فائدة عظيمة أن الإنسان عند الخلاف يفي أتنسيون الهوى إيلوبلي با مثل هذه الآية ماذا أجبتم المرسلين qu'est-ce que tu répondras yawm al-qiyam quand Allah subhanahu wa ta'ala il va t'interroger ça l'insan il fait attention à l'hawa il fait attention à la fierté ils savent que le haq il est avec l'autre lakin ils n'acceptent pas l'imada لأن au lieu de penser à ce genre de verset yawm al-qiyam on sera interrogé on aura des comptes à rendre لأن c'est du din on ne défend pas une équipe on ne défend pas une entreprise on ne défend pas un ami c'est du din enfin, si on réfléchit comme ça vous verrez que même si on se trompe et l'autre il a le haq, même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, même si c'est un ennemi, t'accepteras pas pour te rabaisser envers un tel ou un tel ou parce que tu n'as pas de courage. Là, bel, haqiqa, c'est ça le courage. Les annal insan yakhaf min Allah. Et ça c'est très très important. عند الخلاف. ماذا أجبتم المرسلين. Et on a déjà parlé de ce verset dans certains durous. قال أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على التقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه شيخ ابن عثيمين هنا il conclut avec ce point أن il raisonne في الحقيقة هؤلاء et il leur dit على التقدير أنه le sens apparent c'est pas ce qui est voulu مثلا c'est pas des vraies mains c'est un autre sens si on قدر هذا est-ce que tu ne crains pas Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu as expliqué Rabbama, c'est une autre explication. Peut-être que ton explication elle est fausse. Peut-être que c'est pas un ni'ma, peut-être que c'est autre chose. Ala hada taqdir wa illa nahnu sa wa illa que c'est vraiment. Hada pour leur montrer leur kalam même si on dit que il faut une interprétation correcte, qui sait qui leur a dit que c'est cette interprétation même. C'est pour ça qu'ils se contredisent. C'est pour ça que kathir min haula الرؤوس كالجويني والغزالي et autres ils sont revenus et ils ont fait tauba لماذا لأن ils ont passé des années في هذا ils avaient du ilm et c'était des azkiyas c'était des personnes très très intelligentes et ils avaient la qudra pour comprendre فكثير منهم à la fin ils sont revenus لأنهم ils ont vu qu'il n'y a pas d'issue à chaque fois un il explique comment ils se contredisent des rodos d'entre eux l'autre il leur dit pourquoi tu as dit ça l'autre il dit mais en fait c'est mieux ça et en fait c'est basé sur rien. تأملوا des années يخوضون مثلا c'est quoi les mains est-ce que c'est des vraies mains ils ont dit là لأن c'est une ressemblance aux créatures des années certains disent la quwa d'autres disent c'est un ni'ma d'autres disent c'est kada des années في الباطل في الحقيقة c'est des vraies mains فلهذا بعض هؤلاء كالجويني والرازي كذلك أنهم ils ont regretté à la fin de leur vie Et ils ont compris, ils avaient perdu des années de leur vie. Khassatan, wallahi ba'dhum, ils avaient dhaka'un khariq, comme il dit. C'était ajib l'intelligence qu'ils avaient. Et la force qu'ils avaient dans la langue arabe et dans l'ijtihad, là, qu'ils ont perdu leur temps. Des années fil ba'dil. Amal Cheikhoul Islam, le Taymiyyah, rahimahullah. Des années. Et l'un, la manzila qu'il a. Et Inch'Allah, on espère pour lui les hasanat, comme il y en a, yastafidoun, min kutubi. Il y en a 100 ans, il l'a occupé fil khayr. Wa ba'daha oula tamanna, à la fin de leur vie, annahum law yamutoun ala aqa'id ajaiz Naysabour ou autre. Ça dépend de l'imam. Naysabour, c'est une ville. Wa ba'dhum, ils ont dit, si seulement je mourrais ala aqidat telle vieille femme qui vit à Naysabour. Aïe une amie min al amiyat. Limada, lian al amiyat si, ou l'ami min al muslimi, يؤمن بالله يسيك الله سبحانه وتعالى اللي بارفي سي تو لو دي الله سبحانه وتعالى لا تصف الى اخره بعضهم يكونس با تو سا تاويل الى اخره تو لو مونتر كو سي الحق يفو با في غوسومبلي اي تو دي الحمد لله اي ربما سا لو برون كلكو مينوت اي لا سات عقيده الحمد لله يمر على هذا الخير الى على خير عظيم هؤلاء يزون اسبيري سيرتان دونتر مورير على هذا Toutes ces années qu'ils ont passées, fil qil wal qal, tous les livres qu'ils ont écrits, tous les munadarat, les débats qu'ils ont eu, anahum c'est seulement ils mourraient comme une personne de la masse qui connaît pas grand chose de son dîn. Et n'am. Fahada al-wajh al-khamis, et il est très très important. Faradi'ou, faites le muraja'a de hada al-kalam, il est simple. Par point, le dernier point, les questions elles sont très très importantes. Et les autres points, on les a déjà vus, mais on a réexpliqué Huna, Liyana, c'est important. Et le dernier cours, Inch'Allah, ça sera la prochaine fois. On finira avec Al-Wajh Al-Sadis, qui est très très important, Kedalik. Et on répète, ces deux points, c'est le contenu ou une grande partie de At-Tadmouriyya, de Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah. Et Cheikhoul Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a facilité, il a simplifié ce kitab dans At-Taqrib. Et Inch'Allah, ça sera un des livres qu'on compte étudier ensemble. Après Al-Wasitiyya ou après Al-Tahawiyya. À la Kulihal, réviser les mazal, ça va être important pour plus tard. On passe à notre deuxième dors.